étranges. On t'a tordu au caniveau de la ville lumière. Petit papa en dur est mort en détention. Il dérive pour toujours vers le pays. toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show, rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Ma chère Jen, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon cher Tom. Salut. Et j'ai l'impression que il y a de l'eau dans le pain. On a du pain mouillé ce soir. On a du pain mouillé. Ouais. Je sais pas, ça fait glou glou glou glou. Bon, allez, ce soir nous sommes le 20 juillet. Non, ça c'est la date de mon anniversaire. Ah, nous sommes le 20 octobre. Je voulais que ça soit ton anniversaire tous les mois. Donc, ça pourrait être cool. Hein. Voilà, ça serait sympa ça. Ouais. Non, nous sommes le 20 octobre, mais il fait aussi chaud que si on était le 20 juillet. T'as raison, ouais. Hein, non, ouais, on non. a ressorti les écharpes, les manteaux. Ah, c'est moi, alors je suis en chaleur. Quoi. Bon, on en parlait, hein. Ça doit être l'approche de Noël. Ça dépend où tu te situes. Dans le studio, il fait très chaud. Oui. Dehors, il fait très froid. D'accord. Ils viennent te chercher, Tom, je crois. Ouais, c'est ça. Mais les auditeurs n'entendent pas. Il y a une sirène dehors. Il y a une sirène de police dehors. Mais je crois que c'est parce qu'ils viennent manifester. Parce qu'ils veulent c'est la des police, moyens. Ça. C'est la police nationale. Ils voudraient faire de la radio-police. C'est la police nationale, ça. Je vais te prendre en photo de la police nationale, moi, tu vas voir. Allez, ce soir, nous recevons des invités de marque. Des invités qui nous sont chers, puisque ils sont sponsors. C'est qui, Marc? Marc, c'est vrai, c'est qui Marc? C'est marqué sponsor. C'est marqué sponsor. Voilà, ça va aller loin ce soir. Ça va aller loin. Bravo. Je crois que... Bon, eh bien ce soir nous recevons Just... Mais on peut les applaudir aussi. Hein. Just Do It. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. C'est le... C'est Fais-le Agency. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est fais-le. C'est ça, c'est du bricolage. Il alors a rajouté soir... des O et des E partout. Bah oui, oui, oui. Ce soir, nous recevons donc Sarah et Chris. Ouais, exactement, mais je vois pas pourquoi Sarah est citée en premier, mais bon, c'est pas grave. Parce que j'aime bien les femmes. Les femmes d'abord. Honneur aux dames, si tu veux. Les femmes d'abord. Tu t'agenouilles, tu t'excuses. Excusez-moi. Qui serais-tu sans une femme au final, à tes côtés? Tu sautes par la fenêtre. Allez, donc ce soir une émission spéciale Vousier Metal Festival. Ils en sont à la 26e édition, je crois. En tout cas, beaucoup. Bah, très 26e, oui, hein, tout à fait. 26e émission. Et une spéciale Do It. Ce sera en deuxième partie de soirée. Mais tu parfait. Peux intervenir. 26e avec édition Sarah. Aussi. 26e édition de Do It. Non, 26e année, non, même pas. 26e mois. Non, plus. Oula, oui, trimestre, plus que 26e. Ah non, pas encore. On est presque à 5 ans là. Presque à 5 ans. Donc ça fait beaucoup. Ça fait 15 trimestres. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ah. Donc on reparlera de Do It. On vous donnera toute l'actualité des groupes qui sortent chez Do It Agency, dont vous occupez. Et puis, on parlera également du Paris Metal France Festival. Ouais, carrément. Hein, parce que ça nous intéresse bien aussi. Bah ouais. Et puis, on va commencer avec ce que l'on a écouté en ouverture d'émission. Le groupe s'appelle Ticketo. Tu as le ticket choc, tu as le ticket chic, et eux, ils ont le Ticketo. Voilà. Ouais, d'ailleurs, c'était chouette. C'était chouette, c'est le ticket chouette. Ouais, c'est hein ticket chouette. En tout cas, j'avais vu ce groupe-là sur la péniche, j'allais dire. Non, c'était pas une péniche, c'était une croisière à Miami, où le groupe était quand même Il a placé. Mis 25 ans pour arriver. Ce qu'on vous dit pas, là, c'est qu'on est toujours en route pour rentrer. Et donc, Monster, c'était les Monster of Rock, et Ticketo, j'en attendais rien de ce groupe-là, parce que... Dans les années 80-90, c'était un groupe qui était au pinacle, on va dire, de son genre. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Le groupe n'a jamais été non plus une référence dans le genre, comme Bon Jovi ou comme Europe, ou qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore comme groupe, Bryan Adams ou des choses comme ça. Ouais. Mais c'est un groupe quand même qui avait son petit following derrière. Et ma foi, j'ai vraiment apprécié ce groupe sur la croisière. On appelle ça le paquebot. C'est le métal machin. Là. Non, c'était Monster le Monster of Rock. Monster of Rock. Ok. Le Monster of Rock Tools. Ah, d'accord. La croisière s'amuse si tu préfères, mais façon métal. Et donc c'était vraiment bien. Le nouvel album sort enfin. Il sortira. Ben, il est sorti la semaine dernière. Il est sorti le 14. Et il s'appelle Rich. Voilà. Et le titre que je vous ai passé s'appelle. Bah Rich. C'est Rich. Voilà. Avec l'accent français. Oui, l'accent français. C'est R-E-A-H. Hein. Et c'est sorti chez Frontiers, voilà. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé de groupe de chez Frontiers, beaucoup de RDFM chez Frontiers. Et donc, on vous a passé Ticketo. Précipitez-vous sur l'album pour tous ceux qui aiment ce genre de musique et qui aiment ce groupe en particulier. Parce que c'est vraiment bien et j'ose espérer que le groupe passera en France pour venir nous distiller ses riffs métalliques. Nous enchaînons avec ce que vous entendiez tout à l'heure en fond sonore. Le groupe s'appelait Pain. C'est toujours ce que l'on entend, mon cher Tom. Oui, mais c'est un autre titre du coup, parce que ce que tu m'as tu donné, je sais pas où t'as été trouvé, mais t'as été chercher très loin. T'as il ramené... a plongé avec son dauphin. Je crois que ton CD était très rayé. Je sais pas. En t'as, tout cas, t'as dû faire des bêtises cette nuit avec le CD sous le sommier ou je sais pas quoi. C'était, mais... c'était cet après-midi. Donc et c'est Pain avec le titre Satellite. Satellite tiré de leur dernier album sorti chez Nuclear Blast. Night Satellite, excusez-moi. Le groupe sera en concert, ma chère Jen. Oui, tout à fait, le 27 octobre au Petit Bain avec je comprends mieux. Pigeon. Oui, Pigeon Black. Pigeon. Comment ça, tu comprends mieux? Mais je comprends mieux pourquoi ça faisait glouglou. Puisqu'ils sont, ils vont jouer au Petit Bain. D'ailleurs, cette salle, elle vend en poupe en ce moment. Mais complètement. On voit toutes les dates au Petit Bain en ce moment. Et j'espère que ça coulera pas, parce que franchement. Hein, mais tu vois, tout est lié en fait dans le refourchon. Ouais. Faut comprendre tout ça. Il y a de la liaison. Et puis Tom, il a voulu nous sécher tout ça avec un titre. Sorti de sa musette, mais c'est bien, merci Tom. Hein, ouais, merci. On est quand même dans un restaurant fraîchement séché, quoi. C'est tout à fait. Allez, on va enchaîner avec des nouveautés et des dates de concert, des choses et des choses à gagner parce que Do It arrive les mains pleines de cadeaux. On vous prendra une petite photo tout à l'heure pour vous montrer ce qu'ils ont. Sauf que les cadeaux, vous avez l'impression que vous avez gagné, mais c'est nous qui les gardons. C'est vrai, voilà. C'est vrai, c'est surtout c'est qu'il y a des packagings qui sont super chouettes. Trois t-shirts, le pantalon, chaussures. Vous êtes ravillé pour l'hiver. Costard, cravate. C'est super. Écharpe. Allez, avant de gagner des choses que Do It nous a ramené, Do It Agency, nous allons passer à Amarante. C'est pas marrante du tout. Je tenais à vous le dire. Le groupe s'appelle... Enfin, le groupe, non. Le groupe titre. S'appelle Amarante. Ça, c'est marrant. Voilà. Ça, c'est marrant. C'est marrant. Donc, l'album s'appelle Maximalism. Et le titre que l'on va vous passer... C'est cette chanson. Exactement. Vatsong, sorti chez Spine Farm. Et ça sortira demain. Voilà. Donc, c'est une grosse exclusivité. Pas avant tout le monde, parce que vous pouvez retrouver ce titre sur Internet. Bien évidemment, c'est là que j'ai été le chercher. C'est puisque... J'attendais qu'on m'envoie l'album, ils l'ont pas envoyé. J'ai dit bon, on va le passer quand même. Alors j'ai trouvé ça bien naze quand même. J'ai ça pas c'est aimé parce du qu'ils tout. Ont pas envoyé l'album. Non, pas du tout. Amarante sur scène, c'est très bien. Mais Amarante, le titre que vous allez écouter, je suis sûr qu'on va recevoir des insultes. Je suis sûr, parce que ça n'a rien à voir avec le métal. Et il y en a plein qui ont été insultés un petit peu le clip et qui ont dit ouais, c'est quoi ce semblant de Linkin Park. C'est comme les groupes qui font les premières parties de Red Hot Chili Peppers. Quoi. Nous n'en parlerons pas. Hein, ici. Donc voilà, c'est Amarante. Vous en ferez l'idée que vous voudrez. Moi, je n'ai pas aimé. Je continuerai à aller les voir sur scène parce que je trouve que c'est dynamique, bien foutu. Il y a des beaux lights. Hormis s'ils font leur dernier album. Hormis s'ils font leur dernier album, effectivement. Mais ils ont sorti cette version-là en version acoustique. Et ben, c'est vachement mieux parce qu'il n'y a pas d'électro derrière, il n'y a pas tout ça et c'est vachement mieux. Ouais. Moi, c'est tout le côté un petit peu bling-bling électro qui me gêne un peu. On enchaînera ensuite avec un groupe de chez... Do It. Ah, j'adore. Mais vous êtes au top, les gars, ce soir. Le groupe s'appelle Bayon Chronicles, et je m'entends plus dans mon casque, mais c'est pas grave. Bayon Chronicles, qui nous sort son premier album. Tout premier album, ouais. Hein? Tout premier album, et ils sont en plus en concert à la Flèche d'Or, c'est samedi. Ça s'annonce vraiment bien, avec des groupes de première partie plutôt efficaces sur scène, dont Dive Your Head, avec mon super accent anglais. Et ouais. Mecha Aura aussi, et Tankrust. Ouais. Donc ce sera la Flèche d'Or, c'est 102 bis rue de Bagnolet, et l'entrée est à 18€. Allez-y, parce que franchement, la salle est vraiment belle. Ouais. C'est vraiment une salle sympa. Ouais. Très belle. Juste à côté, vous avez des bars, vous avez des choses comme ça, donc même si vous voulez vous nourrir avant d'aller voir le concert, vous pouvez le faire. On n'est pas loin du quartier Gambetta, Pyrénées, ouais, rue d'Avron. Hein, je connais très très bien le quartier. Pas loin de mon ancien employeur radiophonique. Mais pourquoi tu parles de ça bien. Parce que c'est marrant. Amarante, j'ai envie de me marrer aussi un petit peu. Et donc, je leur fais des coucous. Hein. Salut. Voilà, salut. Mais bien de loin. Bien bas, bien bas. Et c'est pas loin du Mama Shelter aussi, qui est réputé pour ses prostituées de luxe. Donc, et voilà, donc vous pouvez goûter à tout. Il y aura de la pute, de la coke et de la musique. Et de la bonne musique. Avec Beyond Chronicles. Le titre que l'on va vous passer ce soir s'appelle Last Transmission. Et c'est tiré de l'album Human Nation. Exactement. C'est sorti la semaine dernière, le 14. Ouais. Et ils nous viennent de la région parisienne. Ils se sont formés en 2013. On vous en a déjà parlé la semaine dernière parce qu'on a déjà passé un titre. Et on savait que c'était bien et qu'on allait en repasser parce qu'on a des places à vous faire gagner de ce groupe de Melodic Death Metal à voix gutturale et voix claire. Et vous avez les deux voix, les deux pour le prix d'une. Et ça, c'est fantastique. Leur premier album fait 12 titres. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout vendu. Hein. Ouais, ouais, tout est dit. Et c'est vraiment un groupe qui vaut le coup, qui vaut le détour, quoi. Faut vraiment. Non, bah, t'as pas tout dit, parce que site internet, numéro de téléphone. Non, faut en laisser aussi, faut laisser les gens découvrir. Où est-ce qu'on peut découvrir Je vais vous dire où est-ce pourquoi. Qu'on peut le gagner. Voilà, ouais, vous pouvez le gagner depuis... dans le Rockfort Show ouais. ce soir. Voilà, au 06 81 01 28 34. Alors attention, vous n'allez pas le gagner comme ça. Hein. Alors 06 80 28 34. Non, la question est. La question est. Allez, c'est quoi c'est la ton dernier mot. C'est de combien est composé ce premier album. Combien de titres est composé ce premier tu album. Viens de dire 12. Tu sors. Non, il a gagné l'album. En direct live. J'en avais que 1000 chez moi. Je suis bien content d'en avoir un plus. Il a gagné l'album. C'est fantastique. Il connaissait la réponse. Il t'en reste 1000. Maintenant, il t'en reste 999. Non, change de réponse. Non, moi je dis quand même que Do It est à la pointe de l'information et de l'actualité. Ils connaissent le nombre d'éthiques qu'il y a sur leurs albums. Et ça, je dis bravo. Merci. Donc, du coup, on va changer la question. On peut dire que c'est professionnel. C'est professionnel. Alors, on va trouver une autre question, beaucoup plus dure. Hein. Le groupe a sorti un album de 12 titres, celui-ci. Il s'appelle... Human Nation. En quelle année s'est formé le groupe? Ah, ça, c'est une bonne question. Hein, voilà. En quelle année s'est formé le groupe? Putain, je sais pas en plus. Hein. Alors, voilà. Donc, tu travailles vous répondez toi par SMS. Tu ne gagneras pas deux albums. Vous répondez par SMS 06 81 01 28 34. Les mecs, au passage. Bien sûr, du groupe Beyond Chronicles. Changer de label au passage, je sais même pas quand est-ce que vous êtes formé. Quoi. Allez, on enchaînera ensuite avec un groupe. Bon, là, je ne présente plus. Oh là là, ouais, voilà. Allez, bon, allez, hop. En trois lettres avec un. Donc un, on enchaîne un et on se retrouve tout à l'heure. Non, mais je vous laisse présenter quand même. Ah, d'accord. Sinon, je le fais. Hein. Non, mais le groupe en trois lettres, t'as un A, X et, à la fin ouais, et t'as un D au avec milieu. Avec un D au milieu, d'accord. Alors, ben, forcément, on va écouter Non Serviam et tiré de l'album Non Serviam. Sorti chez Ultime Records. En fait, on a tellement bouffé ce morceau que j'arrive plus à le digérer. Sorti le 10 juin. Par contre, on va annoncer quand même quelques petites dates parce que le groupe est en tour. Oui, hein. Il semblerait, dis donc. S'il te plaît. Et d'ailleurs, ils chôment pas, hein, les ADX. Alors, ils seront tout d'abord en concert le 28 octobre avec Drakkar en Belgique. Non. D'abord, ils seront en concert ce week-end-là. Attends. Là, maintenant, là, bientôt. Le 23. Ou le 22. Ah oui. Merci. Pardon, j'ai zappé. Merci. J'ai zappé. En fait, il faut faire par ordre chronologique. Ah, oui. Alors, voilà. Je me rattrape. Il sera au Co 40 Metal Fest qui aura lieu donc samedi 22 et dimanche 23 octobre, donc ce week-end. Et ADX seront en concert le 22. Voilà. Avec Loudblast. Ouais. Avec Killers, Drakkar et Désillusion. Voilà. Ça sera pour le 22. On peut annoncer aussi les groupes le du 23. 23. Alors le 23, on aura Dagobah, Primal Age, Ed Sheeran, Alzheimer et Frantic Machine. Voilà, Alzheimer, c'est Alzheimer, très bon groupe. On en oublie pas mal leurs morceaux, mais c'est un bon groupe. Surtout toi. Surtout moi. Mais moi, je m'en approche. Hein. Bientôt. Allez, on vous laisse en musique avec Amaranth. Belle crise de rire. Nous enchaînerons ensuite avec Beyond Chronicles. Et vous pouvez gagner l'album au 06 81 01 28 34. En nous donnant la date de formation du groupe. Et on finira avec ADX et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission musique. I Let's set my life down. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Et nous avons une chèvre maintenant dans les studios. Salut Tom, la chèvre. Salut Tom. La chèvre, tu sais ce qu'elle va te dire ? Ça va te faire. Et en fait, je t'ai mangé un petit peu ce midi. J'ai mangé de la Ligo, j'ai de la Tom dedans. C'était super bon. Ah. Par contre, quand je te vois, j'ai pas envie de te manger, mais c'est pas grave. Donc, ce que l'on entend en fond sonore, le groupe s'appelle The Beams. Vas-y, ce n'est pas un Beams, c'est un Beams. C'est un très très bon groupe. Rattrape-toi. J'aimerais bien me rattraper, mais si tu me coupais pas la parole, ça irait mieux. Donc, The Beams, un groupe qui nous vient de... Charleville-Mézières. Champagne-Ardenne de Charleville-Mézières. Oui. Voilà. Et ils se sont formés quand, ma chère Jen ? Je n'arrive pas à trouver la date. Bah, au moins au deuxième millénaire. C'est pas grave, cherche, continue à chercher. Voilà, elle disparaît sous la table. Non, Jen, non, pas maintenant, s'il te plaît. Un peu de tenue, il y a des invités. Passer, là-haut. Mais un peu de tenue, il y a des invités. Il y a Chris de Do It et Sarah de Do It et ils sont venus avec leur agency. Faites comme chez vous. Agency touriste. Alors là, je sais pas ce qui se passe ce soir. On a gagné le gros lot. Voilà. Faut qu'on se pose des questions, ça serait la première soirée. Bah, on n'arrête pas d'en poser des questions aux auditeurs puisque vous allez. Ça y est, je l'ai. Ah, elle l'a. Bah garde-le. Elle l'a. Oui, tu as quoi ? Alors, ils ont fondé le groupe en 2011, juin 2011 d'ailleurs, pour être précis. À quelle heure ? Voilà. Alors, ils n'ont pas donné l'heure. Parce que 6h33, ils se sont formés à 6h33. Non. Si ? Ils m'ont dit. Moi, ils me l'ont dit. C'est faux. Alors, ils ont trouvé le nom à 6h33. Bah ouais. Ils ont regardé l'heure et ils ont fait « quelle heure il est ?» 6h33. Bon, bah on va s'appeler comme ça. C'est ça. Super. Le Rock for Show est bourré d'anecdotes. Hein. Ouais. Justement, tu es né à quelle heure ? Moi, je sais même pas vraiment si ma avant ou sait. Après 6h33 ? Après, après. Ouais. Bon, il est jeune. Il est très jeune. Après 6h33, ils sont nés il y a pas très longtemps. Bon, allez, on repasse aux choses sérieuses. The Beams, vous avez des albums à gagner au 06 ? 81, 01. 28, 34, pardon, j'avais une cacahuète. Alors, justement, d'où vient The Beams ? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal comme question. Ouais. Hein, on l'a pas dit en plus. Voilà, et donc nous allons enchaîner sur le 26e Vouziers Metal Festival. Un festival extraordinaire qui, jusqu'à présent, diffusait beaucoup de groupes français. L'année dernière, ils ont fait jouer Girl School et Rock Goddess. Cette année, Girl School devait revenir et non, ils sont en première partie. Goddess. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Girl School est en première partie de Saxon sur la tournée de Saxon. Ah, bien. Et ils n'avaient pas annulé le Vouziers Festival. Et il y a des auditeurs, enfin des spectateurs qui ont appelé William, parce que c'est William qui s'occupe de l'organisateur du Vouziers Metal Festival. Et lui ont dit, mais comment un groupe peut jouer à deux endroits en même temps ? A-t-il le don d'ubiquité ? Et William a dit, je me renseigne. Et effectivement, les Girl School avaient omis. Hein, et omis soi qui mal y pense, non ça marche pas. Avait omis de prévenir donc l'organisateur qu'elle ne pourrait pas être là. Alors il a fallu trouver un remplaçant. Ils ont trouvé un magnifique remplaçant puisqu'il s'agit de Monsieur Bonfire, bien évidemment. Si, mais non, mais il y a Grave Digger aussi en tête d'affiche. Ah oui. Mais ça ils les avaient avant. Ah oui. Puisque maintenant c'est un festival international. Hein ? Alors ils font un petit peu dans l'allemand, un petit peu dans l'anglais, un petit peu dans l'allemand, un petit peu dans l'anglais, puis après on fait du français. Enfin voilà quoi. Donc nous retrouvons à l'affiche de ce magnifique festival 26e. The Beams d'ailleurs. Exactement. Qui commencera ? Hein ? Il commence à quelle heure ? Ils ouvrent. Alors ils ouvrent à 14h45. Donc ne les ratez pas, 14h45. Voilà. Hein. Arrivez à 14h, comme ça c'est bien, vous pouvez aller à la buvette. De toute façon, ouverture des portes à 14h. Eh bah, t'arrives juste à l'heure pour le Dijon, voilà. C'est cool. Surtout ils ont des verres spécifiques, 26e anniversaire du Vouziers Metal Fest. Alors est-ce qu'on annonce les autres groupes ? Bien entendu, voilà. Allez. Donc, il y aura The Beams, qui commenceront à 14h45. Ensuite, il y aura Lone Wolf à 15h50. Manigance à 17h, Dirty Action à 18h15, Bonfire à 19h35, Rock Goddess à 21h10 et Grave Digger à 22h45. Et voilà, vous avez le programme complet de ce 26e Vouziers Metal Festival. Bon, bah maintenant nous allons passer à Do It. On va peut-être écouter de la musique. Non, excusez-moi, je vais un peu vite en besogne. C'est surtout que je vois l'heure qui passe, il est 20h11. Ah, il est l'heure de manger. Bon app. Allez, on commence avec Grave Digger. Le morceau que je vous ai choisi n'est pas un morceau récent puisqu'il date de 2006. Il s'appelle Valhalla. C'est un petit peu ce que nous vivons chaque semaine, le Valhalla au Rock for Show, n'est-ce pas? À tes souhaits. Tout à fait. Et puis toi, Valhalla. Enfin, vas-y quoi. Hein, là où tu peux pas aller à ma place. Voilà. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux aller. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Valhalla? Oui, c'est un endroit. C'est générique des Interville. Ça sature quand tu parles, mon cher Tom. Dans tes oreilles. Ouais. Le Valhalla, c'est pas là où se reposent les morts dans l'Asgard, en Asgard. Ouais. Hein, c'est les guerriers vikings. Voilà. C'est bon, j'ai bon. J'ai gagné une place pour aller voir le Vousier Metal Festival. Voilà, t'as le droit, ouais. Bon, alors attendez, parce que il va falloir nous dire de quel album est tiré Valhalla, le titre de Grave Digger, pour aller au Vousier Metal Festival. Nous avons des places à vous faire gagner, voilà. Mais il faut répondre à cette question. De quel album est tiré Valhalla? Valhalla. Alors allez-y. Et ensuite nous enchaînerons avec Bonfire, tiré de leur tout dernier album. Alors là je me suis foulé, mais alors vous pouvez pas savoir comment pour choisir le titre. Glorious. Tiré de l'album Glorious. Super. J'ai l'impression d'être un perroquet. Un peu aussi, hein, mais un joli perroquet. En avec des belles plumes. Hein, des belles plumes. Nous enchaînons ensuite avec Dirty Action. Dirty Action qui est un groupe français et qui nous a sorti un magnifique clip dernièrement qui s'appelle Bad Boy Number One. Et qui retrouvons-nous à l'intérieur de ce Dirty Action? Non. Toi, tu suis pas. Toi, t'as pas suivi. Toi, tu gagneras pas ta place pour Vousier. Tu as déjà gagné un album de Beyond Chronicles, qui est déjà pas mal. Hein. Ils sont français et donc, non, vous avez pas. Non. Alors, c'est des anciens membres de Attentat Rock. Oh, okay. Voilà. Et donc, ils ont formé Dirty Action. C'est vraiment super, c'est de la bombe atomique. Et donc, vous pourrez les découvrir au Vousier Metal Festival, qui aura lieu le 30. Si pardon, mes souvenirs sont... mais t'as rien suivi, Phil. Le 30. Le 30. C'est le combien? C'est le 29. Le 30. C'est pas le 30, c'est le 30. C'est le 29. Le 29, octobre. Octobre. Mmh. Très bien. Nous enchaînerons encore ensuite avec Manigance qui sera en tournée avec nos amis d'Alix, puisque tout à l'heure on a parlé d'un seul concert. Hein, ah ouais. Mais ils seront également en tournée avec Alix. Donc, surveillez bien les dates. Il y a d'autres dates qui vont être annoncées dans pas très longtemps, à mon avis. Mon petit doigt qui m'en a parlé. Nous allons écouter un titre de Volteface. Et ce sera Ultimatum. Bien sûr. Sorti chez V-Records en 2014. Un excellentissime label qui avait en son temps un groupe en trois lettres commençant par A avec un X à la fin et un D au milieu et qui n'est plus tu chez V-Records. Vous entendez comme on est blasé. Allez, on commence donc, comme je vous l'ai dit, avec Grave Digger. On enchaîne avec Bonfire. Exactement. Et ensuite Dirty Action et Manigance. Et la semaine prochaine, on vous passera Rock Goddess. Et ADX. We'll be right back. Thank you. all night. Bad boys, bad boys, we are. Bad boys, bad boys, we will dance all night. Rebonsoir, voilà un petit CD qui part pas, mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Le voilà, il arrive et c'est Lone Wolf, c'est ça? Yes. Bon, Lone Wolf qui sera au Vousier Metal Festival et vous avez encore des places à gagner au 06 81 01 28 34. Il fallait, c'était quoi la question tout à l'heure? J'ai un méchant écho. Qu'est-ce que c'était la question? Je me rappelle plus. Ah oui, de quel album est tiré le titre Valhalla de Grave Digger, sorti en 2006. On vous donne tout là quand même. Hein. De quel album est tiré le titre Valhalla de Grave Digger pour gagner votre place au Vousier Metal Festival, si vous voulez y aller. Ça se trouve à Vousier dans les Ardennes et ça sera donc, on l'a dit tout à l'heure, le 29 octobre. Tout à fait. Et on va vous répéter l'affiche. Il y a Grave Digger, il y a Rock Goddess, Goddess, Bonfire, Dirty Action, Manigans, Lone Wolf, pardon, je suis parti dans l'accent. C'est pas grave, c'est pas grave. Et The Beams. The Beams. The Beams. Et pour The Beams, on a des albums à vous faire gagner. Pour le reste, eh ben, ce sont des places pour aller au Vousier Metal Festival. Voilà, au 06 81 01 28 34. Exactement. Et bien maintenant, nous allons passer. Déjà, on va annoncer quand même que le même jour que le Vousier Metal Festival, si vous ne pouvez pas aller dans les Ardennes, vous pouvez peut-être aller à Douai. À Douai, dans le Nord, puisqu'il y aura un autre festival avec ADX, Draka, Rose, Vulcain. Vulcain en tête d'affiche. Vulcain en tête d'affiche. Stratagème. Et puis. Donc, Rose, Wizo, Octam, Surpuissance et Black Bart. Tout ça pour 15 euros. 15 euros, voilà. Donc vous avez encore un grand festival. Dans le Schnorr. Quasiment 100% groupe français. Allez, 99% groupe français. C'est au Red Studio Club. Red Studio Club. Allez, on fera une émission spéciale la semaine prochaine avec tous ces groupes. Voilà. Bah, hé. Okay, IDX, c'est normal. Là où ADX, le Rock for Show passe. Alors, la semaine prochaine, on vous annonce qu'il y aura donc Non Serviam tiré de l'album Non Serviam. Je pense que. C'est Ultime Record. Je pense que. J'en ai marre que tu satures dans mes oreilles. Je pense. Le 10 juin 2016. Je pense que je paye là ce soir, c'est ça? Non. Je vais quitter surtout la table. Qu'on les adore, ADX. Je vais quitter la table et je vais laisser Do It se débrouiller tout seul. Mais tu sais, on va y arriver sans toi. Hein. C'est vrai? Ouais. Allez, au revoir. Salut. Adieu. Allez, nous enchaînons maintenant avec la programmation 100% do it, 100% fais-le. C'est du fait maison, c'est du fait main, ouais. C'est du fait Christophe et Sarah. Et on vous laisse entre les mains la voix suave de Sarah qui va vous présenter le premier groupe qui se nomme Alceste. Bah Sarah, tu as mieux. C'est pas moi. Tu satures dans mes oreilles. Sarah, elle sature dans tes oreilles. Dans toi. Allez Sarah, je te laisse à toi, c'est ton quart d'heure de gloire. Alors Alceste est a été fondé par Stéphane Pau alias Neige, donc qui est voilà, le fondateur du groupe en 2000, ça s'est créé en 2000 et ils ont sorti donc le 30 septembre dernier leur nouvel album qui est leur cinquième album, donc il s'intitule Kodama, qui est inspiré de la culture japonaise et de l'univers de Miyazaki. Voilà, et donc... C'est sorti chez Prophétie. C'est sorti exactement chez Prophétie Productions. Et donc, quel est le rôle de Do It? En fait, vous faites la promotion Exact, on s'occupe donc de leur promotion française. Voilà, et donc là, c'est vrai qu'on est très contents parce que leur nom... commence à bien tourner en France auprès de pas mal de médias, dont la presse généraliste. Donc c'est très cool. Voilà, on en est très fiers. Voilà, et le titre que tu nous proposes de découvrir ce soir est le titre éponyme. Exactement, Kodama. Alors, vous allez partir pour un voyage de 9 minutes. Exactement. Parce que tous les titres sont très longs. Oui, tous les titres sont très très longs. C'est vrai que c'est leur univers. Hein, je veux dire de tous les par rapport à tous les albums qu'ils ont fait, ils ont toujours fait des chansons. Enfin entre 4-5 minutes en moyenne. Donc voilà. Et pour préciser, à la base donc c'est une formation plutôt black metal qui a évolué dans le rock, notamment le shoegaze avec les années, et donc ça a donné un style qui s'appelle le black gaze, qui a donc un mélange de black metal et de shoegaze qui a influencé beaucoup de groupes. Et voilà. On est sur cet album là dans quelque chose de beaucoup plus ambiant. Oui, hein, oui tout à fait. C'est très ambiant. Enfin de toute façon voilà, Alceste c'est vraiment un univers particulier, planant, J'en dis pas plus, je laisse découvrir. Les auditeurs vont découvrir. En tout cas, le groupe est passé en concert ou il va passer en concert, ils commencent leur tournée donc le 27 octobre, donc dans 10 jours, une longue tournée d'un mois et demi. Et ils seront en concert donc en France pour deux dates, une à Lyon au CCO le 7 novembre et une à la Maroquinerie le 8 novembre. Voilà, et nous aurons certainement des places à faire gagner, je pense, pour la Maroquinerie. Et tout ça à 10 en notes, ce qui est très fort chez elle. Ah non, mais c'est très bien, c'est moi, très bien. Au contraire, j'ai besoin d'avoir toutes mes notes, toutes mes infos, tout écrit, et j'ai oublié la moitié des infos sur les groupes dont je vais parler. Donc, elle te parle de ça, mais. Voilà, les doigts dans. Finger femme. In the nose. Ah ouais, non, c'est incroyable. C'est une femme. Alors, donc, Alceste, nous enchaînerons ensuite avec un groupe français que nous connaissons très très bien, un groupe parisien, un groupe qui a une super chanteuse. Elle est belle, la chanteuse de cet album. Elle est plus belle, la chanteuse. Ah mais oui, c'était ça mais quand j'ai écouté l'album. C'était. Mais si, j'ai écouté l'album hier. C'est j'ai dit, Manu j'ai... maintenant qui est au chant. Non, ouais, je sais bien. C'était... Manu, c'est pas Emmanuel de Zelleux. Ça s'appelle une blague. C'est-à-dire que quand hier j'ai découvert l'album, je me suis dit, ah, fantastique, je vais découvrir la nouvelle chanteuse d'Arcane. Eh ben non, c'est l'ancien chanteur de The Old Dead Tree. Et c'est très bien. Mais c'est pas mal aussi. Ouais. Ouais. C'est très très bien, on est très content de retrouver Manu. Puis en plus de ça, Arcane, The Old Dead Tree, il y avait déjà des membres d'Arcane qui étaient dans The Old Dead Tree. Donc c'est un petit peu fraternel, il y a des coucheries, des histoires de coucheries là-dedans dans ce groupe. Hein. Ah, je pense pas, les connaissant un petit peu, je pense c'est vrai pas. Ils sont plus basés sur les nanas. Ils sont très très sérieux et ouais. Allez, parle-nous-en. Alors Arcane, merci. Voilà, voilà. Alors je vous avoue que moi Arcane, j'ai découvert le groupe, en tout cas je parlais de mon expérience personnelle pour la peine, sur l'album précédent, Sophia, où j'ai tout de suite accroché en fait sur l'univers, etc. C'est ce qui m'a donné envie, en tout cas à l'époque, d'en savoir un petit peu plus. Donc moi j'ai vécu, on va dire, de plein fouet la transition. En fait, entre l'ancienne chanteuse Sarah et Manu. Parce que j'ai découvert Sophia et tout de suite j'ai dû rentrer dans le nouvel univers quand leur label Overpowered Records m'a contacté pour la promo, pour en faire la promotion. Je lui ai un peu parlé du groupe, je lui ai dit que j'étais très fan, que j'étais hyper motivé par le fait de faire la promo, et j'avais pas tout de suite suivi qu'il n'y avait plus Sarah en fait sur le moment. Et j'ai eu la même réaction que toi en fait, c'est à dire que quand il m'a envoyé les pistes que j'ai écouté, je me suis dit mais putain, il manque un truc là, je dis des gros mots à la radio, c'est pas bien, mais je dis il manque quelque chose. Tu as le droit, c'est une radio libre. Mais il faut que je parle plus près du micro. Mais finalement j'ai tout de suite accroché en fait, j'ai tout de suite accroché sur l'album. Et voilà, c'est un groupe d'autres qu'on a aussi en promo. En fait, tous les groupes qu'on a là ce soir, c'est de la promotion. Il y a aucune signature Do It là. Non, il y a aucune signature Do It. On fait très très peu de production maintenant. On a un peu changé de voix il y a quelques temps. On va dire que les artistes avec qui on a commencé en production, on les suit toujours, on continue de les produire. Par contre, on n'a pas signé de nouveaux artistes dans ce sens-là parce que c'est très très difficile, c'est un autre métier en fait. Très bien. Alors Arcane, on écoutera le titre Héral, qui montera à la tribune Héral. Et c'est tiré de l'album. Merci. Kellem. Oh public, merci public. Le titre de l'album s'appelle Kellem. Merci ma chère. J'allais dire Luna. Non, pas du tout. Si, on peut dire Luna. Hein. Bon, Luna Jen. Luna Jen. Et l'album, c'est un petit peu une exclusivité puisque l'album ne sortira qu'au mois de novembre. Ouais, l'album n'est pas encore sorti. On a révélé Héral il y a peu de temps en avant-première avec pas mal de médias un peu partout en Europe. C'est un peu une exclu. Ouais. Il y a très peu de gens qui l'ont diffusé jusqu'à présent. Nous enchaînerons ensuite avec Beneath a Godless Sky. Ouais, Beneath a Godless Sky, groupe dont on s'occupe depuis très très peu de temps finalement, qui a mis beaucoup de temps à réagir pour nous envoyer ce qu'on lui demandait. c'est ça les musiciens. Hein. Du coup, Beneath a Godless Sky, pareil, on l'a pris de plein fouet, c'est-à-dire que, mais pas du tout dans le même sens. C'est-à-dire que j'ai découvert le groupe, ils m'ont contacté, etc. On a commencé à travailler ensemble il y a peu de temps. On vient tout juste d'entamer la promo d'un album qui sort quand même le 21 octobre, donc très très bientôt. Demain. Donc voilà, T'es pas en retard, hein? Non, un petit peu, hein. Un petit peu parce non, que. Non, t'es pas en retard, ça sort que demain. On en fait la promo ce soir, on est pas en retard, on est dans les temps. On est dans les temps, mais. C'est encore un truc qui est tout mouillé, ça, si on est dans les temps. c'est un groupe francilien qui sort son tout premier EP qui s'appelle. Et qui font une reprise donc de Pink Floyd. Ouais, exactement. Mais ils ont un univers qui est aussi bien graphique que sonore qui, moi, m'a. m'a tout de suite séduit. Ils sont complètement tarés. J'ai rencontré un des membres récemment. Les mecs sont complètement perchés, mais c'est ce que j'aime en fait chez eux. Alors c'est sûr que pour nous c'est difficile de travailler avec ce genre de groupe parce qu'ils ils oublient toujours de nous envoyer ce qu'on leur demande. Mais à côté de ça, ils ont un talent qui est certain et qui, à mon sens, leur EP vaut vraiment le détour. Quoi. Très bien, allez, on commence avec Alceste, on enchaîne avec Arcane et on termine avec Beneath a Godless Sky. Et surtout, tous ces albums sont à gagner au 06 81 01 28 34. Mais attention, pas maintenant. À la reprise, on vous posera une question. Et c'est Just Fais-le qui vous la posera. We'll be right back. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. Il est 20h passé de 54, bientôt 55 minutes. Et vous êtes chez nous, chez vous. Phil, le mec est toujours en avance. Alors sache que l'horloge qui est en face de toi, elle est en avance. Et l'horloge qui est en face de moi, elle est en retard. Donc faut faire une moyenne. Ouais, voilà. Donc pile poil. 54. Maintenant qu'on parle, ça fait 54. Bientôt, sachant qu'avec le décalage horaire au Québec, ça fait 55. Bon, allez, nous allons reparler d'Arcane. Arcane qui sera en release party, ce qu'on a oublié de le dire tout à l'heure. Ouais, exactement, c'est une release party qui aura lieu le 22 novembre à Petit Bain. Voilà. Et payante. Ouais, elle est payante, le concert, si je ne dis pas de bêtises. Est payant. Non, il est payant, mais je ne connais pas le tarif. Tu ne connais pas le tarif. Non, bah, je crois que c'est allez, allez au concert euros. Et vous connaîtrez le tarif. Si vous montrez vos nichons, ce sera moins cher. Ah, ah ouais, mais j'y serai pas, alors. C'est dommage. Moi, j'ai besoin de toucher. Moi, je vois rien, donc j'ai besoin de toucher. Est-ce qu'il y a des filles ? Tu t'en fous, t'es pas organisateur. Bah, pas de celui-là. Allez, on enchaîne sur la suite de la programmation. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Draka. Ils sont belges et ils sont à l'affiche du festival qui aura lieu avec ADX. Enfin, ils sont sur plusieurs dates avec ADX, mais ils seront aussi à Manille et Hameau. C'est ça, oui, c'est Manille et Hameau à l'Estaminet. À l'Estaminet, et ce sera le 30 octobre, donc le lendemain du 29. Exactement, et la veille du 31 et tout ça, enfin oui. Ils voyagent beaucoup là, ils font quand même le nord. Et alors qui c'est qu'il y aura ? Il y aura Manigance, il y aura Drakkar. Il y aura Manigance, Drakkar, bah forcément ADX hein, ouais. Fire Force. Et Fire Force. Exactement, qui sont des Hollandais. Quand tu dis qu'ils voyagent beaucoup, en même temps quand t'es Drakkar, tu peux pas faire autre que voyager. Oh là là, il l'a fait, mon dieu. On lui avait dit de fermer sa gueule, mais il l'a pas entendu. On lui avait dit stop, ne la fais pas, tu vas être aussi ridicule que Trump. Moi, je m'en fous, je suis pas privé de dessert. Et tu vas te prendre une trempe. Moi, mais je m'en fous, fait. Je suis pas privé de dessert. Bon, ok. Allez, nous allons enchaîner sur la programmation 100% Do It. Yeah. Do It, Agency. Yes, exactement. Alors, nous avons découvert trois premiers groupes. Ouais, hein, Alcest, Arcane et Benito God. Exactement. Et maintenant, nous allons continuer avec trois autres groupes. Alors, Beatring the Martyrs, donc c'est un tout jeune groupe qui s'est formé le mois dernier. Massy-le-Palaiseau, non c'est pas vrai. Betraying the Martyrs, gros groupe de la scène française. j'étais là. Non, j'étais là en train de me dire, attends, putain merde, il a pas bossé le truc, il a pas bossé le sujet, il est en train d'inventer tout ça. Betraying the Martyrs, quoi, j'étais là dans ma tête, je dis, putain merde, Chris quand même. Bon ouais, allez, vas-y Chris. Ils sortent un premier single, The Great Disillusion, chez Sumerian Records. Pas de date pour l'album encore. Première tournée annoncée il y a peu de temps, donc une tournée d'un mois. Ils partent en tournée à partir du mois de novembre. Voilà, pour l'instant pas de date d'album. Le premier single a été révélé, donc c'est pour ça que je l'ai apporté ici. Mm-hmm. Merci bien. Donc premier titre du nouvel album qui est beaucoup plus violent que ce qu'il faisait sur l'album précédent. Ce qui était déjà quand même assez violent. C'était assez violent, mais on peut souligner la reprise de La Reine des Neiges que je leur balance à chaque fois. qui était pas du tout adapté à leur style, mais voilà, un album beaucoup plus masculin. Voilà, et c'est un album qui devrait sortir normalement chez Sumerian Records. Ouais, autour de janvier-février. Très bien. Et bien en janvier-février, on y reviendra tout à l'heure, hein, parce qu'il y aura des choses à dire sur le mois de janvier. Nous enchaînerons ensuite, mon cher Chris, avec Born to Burn. Ah bah c'est ça qui voilà. Nous en parlait. Donc Born to Burn est un groupe qui nous vient de Tours. Donc un groupe de metal hardcore qui va sortir donc là son premier album Welcome to Reality demain. Back to Reality, non ? Welcome to Reality. Ah ouais, j'ai marqué back, ouais. Je sais pas Welcome pourquoi. To Reality. C'est moi, c'est ma toi, faute. C'est lui. C'était un test. Non, c'est mais lui. Je connais. Hein. C'est lui. Et donc voilà, et c'est un groupe qui est très actif, hein, en tout cas dans sa région. C'est un groupe qui se bouge et qui vaut le détour, que ce soit sur scène que sur album. Voilà. Très bien. Et donc ça sort encore une grosse exclusivité, parce que ça sort demain. Exactement, ouais. Exactement. Et donc là du coup, ce qui va nous être diffusé, c'est le titre Seven. Yes. Seven, voilà. Ça a un rapport avec le film ? Premier single. Alors, ça par contre, j'en sais rien, figure-toi. J'aime bien poser des questions. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je leur demanderai. Ou avec le jeu des 7 familles, peut-être. Non, c'est pas. Non, non. Je ne pense pas. Ils sont pas joueurs. Ils sont pas joueurs. Je ne pense pas. Tant pis. Bon. Vu les bonhommes, ça m'étonnerait. Voilà. Peut-être plus du film d'horreur. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, en même temps, s'ils sont nés pour tout brûler, je les inviterai pas ici. Hein, parce que c'est Tom qui brûle tout. Ah, d'accord. Ça, c'est faux. Oh, j'aime bien. Il est pas là. Il peut pas répondre. Ah mince, il est revenu. Nous enchaînerons donc avec le troisième. Alors ça j'ai découvert le G-Pack est sympathique, très bien. H1. Ça s'appelle H1. Donc H1, pareil. Donc c'est vrai que c'est un groupe que j'ai connu pour tout avouer. Il y a pas il y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Lorsque j'ai été en contact avec leur manager, donc Bruno de L Production, qui a voulu t'embrouiller au début. Voilà, qui a voulu m'embrouiller au début. Mais... Le salaud. Non, mais dénonçons. En fait, c'est une radio qui dénonce ici. On a posé les bases dès le départ. Il y a pas de souci. Et après, donc j'ai été mise en contact avec H1, qui t'ont embrouillé sorti, au début. Non, pas eux. Ils m'ont pas embrouillé. Ils ont été tout gentils. Eux, ils t'ont débrouillé. Eux. Voilà, ils m'ont débrouillé. D'accord. Et donc, ils ont sorti leur premier album qui s'appelle Signe 2 même. Pourquoi ? Parce que, alors, au départ, ils avaient fait une comment ça s'appelle ? Une maquette, une pré-maquette, qui s'appelait donc Signe, voilà. Et après, donc, ils ont rebossé l'album et ils l'ont sorti. Voilà, et c'est un magnifique digipack. Ouais, exactement. Et la musique, leur univers, il est assez particulier. J'aime bien parce que ils sont beaucoup dans tout ce qui est environnemental, protection de l'environnement en général. Et il y a beaucoup de groupes en ce moment qui sont dans cette mouvance-là, et c'est tant mieux. Mais c'est deux frères en plus. Hein, c'est les deux frères qui sont bien dedans aussi. D'ailleurs, l'album il traite de ça quoi, la plupart. Donc voilà. Très bien. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite écouter en musique lorsque Tom nous aura rejoint. Il a été au Wawa. Bah ouais, mais bon, Tom, les Wawa, c'est pas il quand on est à l'antenne, au quoi. Wawa. Hein de quoi on va pouvoir. Est-ce qu'il y a des groupes de. Bah non, il voilà, est Tom des qui Wawa. Sort. Non, mais ici, c'est marrant parce que c'est comme si vous étiez à la maison. Hein. Donc, Tom, il si tu pouvais nous envoyer la musique, ce serait bien. On commence avec Betraying the Martyr, on enchaîne avec Born to Burn et on terminera avec H1 Music. Et on est I'm not Vulcain. Ah, voilà un bon groupe des années 80, un groupe qui fleure bon le métal et qui fleure bon le motorhead également. Vulcain qui seront en concert, ma chère Jen, tu nous l'as dit tout à l'heure. Mais oui, mais je vais le répéter. Vas-y, répète. C'est pas bon de répéter, mais répète. Oui, donc Vulcain, ils seront en concert le 29 octobre avec ADX, Drakkar, Stratagem, Rose, Guizot, dans Schnorr, Douai. Voilà. Merci bien. Alors, qu'avons-nous écouté, mes chers douiciens? Non. Là, c'était le, Mother, le dernier titre, c'était Mother de H1, qui est un des plus brutaux de l'album, je trouve. Mm-hmm. Ça a été le premier single qu'on a révélé, du nouvel album aussi. Et voilà, c'est vraiment pour les amateurs de son brut, quoi. Moi, j'adore. Comme je dis souvent, j'écoute très très peu de musique extrême en fait. Je suis plus rock, rap. Ouais, toi t'es rock à gonzesse, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, tout ce qui permet de serrer, quoi. Et avec H1, c'est plus difficile. Bon, juste avant, on a écouté Born to Burn. Ouais, Born to Burn, qui est un groupe dont Sarah s'occupe. Et comme elle est sur son portable, j'en parle. Elle est en train de vérifier des infos, elle a peur pour, de... Pour la prochaine session. C'est ça, elle a peur de la page blanche, donc elle triche. Voilà. Non, elle triche pas, elle se renseigne, c'est bien, elle a raison. Elle a raison. Mais Born to Burn, un groupe, non, plus sérieusement, sur lequel on travaille tous les deux. Donc c'était Seven, c'est dans la même veine, quoi. C'est du métal, hardcore, bien burné. Voilà, et juste avant, c'était Betraying the Martyrs. Exactement. En exclu. Exactement, en exclu, ouais. Voilà. Tout à fait. Puisque l'album sortira qu'en janvier-février, comme tu nous l'as dit. Alors on va vous poser une question pour ceux qui veulent gagner l'intégralité des CD. Ouais. Une seule question, c'est quel âge a Do It Agency. Exactement. Voilà. Quel âge a Do It Agency? On l'a dit en plus, hein, donc si vous avez bien écouté le début de l'émission, vous le saurez et vous pourrez nous répondre et rafler la totalité de ce que nous a ramené Do It Agency ce soir. Et nous allons continuer encore avec des nouveautés, encore avec des choix de chez Fais-le Agency. Le groupe s'appelle Harmonic Generator. Alors, Harmonic Generator, on peut vraiment le qualifier de groupe de la famille Do It, quoi. C'est-à-dire que je m'occupe d'eux en management, Sarah s'occupe d'eux en promotion. Donc on travaille à 360 avec ce groupe, on les accompagne sur absolument tous les fronts. Donc aussi bien la recherche de concerts que la recherche de subventions, de studios, de clips, etc. que la promo. Donc Harmonic Generator, on bosse avec eux depuis presque un an maintenant. C'est un groupe qui s'investit énormément dans ce qu'il fait, un groupe hyper professionnel dans sa démarche et qui là commence à tourner pas mal. Ils font des dates avec Electric Mary, ils vont ouvrir pour Lofofora. Donc voilà, ils avancent vachement bien et on espère qu'ils vont aller le plus loin possible, quoi. Et l'album sortira le 26, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ouais. Et là, par contre, moi je l'ai en tant que Do It Incorporated. Donc tu m'as dit qu'il n'y a pas de groupe de chez Do It ce soir. Non, je disais qu'on n'a pas de groupe en production. Ce qui est vrai, on les produit pas. Par contre, on les accompagne, on les encadre. En fait, on ne fait pas que de la promo pour eux. On les encadre vraiment en termes en progression de carrière, on peut dire ça comme ça. En développement, quoi. En développement, ouais, vraiment. C'est du vrai développement. Alors, le titre de l'album. On est sur Skull. En fait, c'est un EP. Oui. C'est un concept, en fait, de 4 EP. Bones, Flesh, Skull et... Et un autre. Et le quatrième. Et le quatrième. Et Heart. Donc c'est un concept de 4 EP qui au final va former un album. Je parle bien dans le micro. Mais qui au final va former un album et là on est sur le troisième des 4 EP. Voilà, et le titre qu'on vous propose ce soir s'appelle Dreams and Tears. On enchaînera ensuite avec Living Passenger. Alors Living Passenger, un groupe que j'adore. C'est typiquement ce que j'écoute. C'est du metal alternatif. Du très très bon métal alternatif. On va écouter le titre I Don't Care, de leur album qui s'appelle When It's Done et qui sort le mois prochain. Enfin, qui sort le 9 octobre, mais qui sort le mois prochain en bac chez Season of Mist. Oui, en fait, il est sorti en dématérialisé, c'est ça, le 9 octobre. En 9 octobre en digital et il sort en novembre prochain en physique en magasin. Très bien. Ils nous viennent d'où, eux? Et eux, ils sont d'Île-de-France. D'Île-de-France. Très bien. Et puis nous terminerons pour ce soir. Avant de se dire au revoir, avec Cybernetics. Cybernetics, ouais. Donc Cybernetics, c'est un groupe qui vient de Tours, comme Born to Burn. C'est un groupe de métal alternatif avec un mélange d'électro. Et du coup, là, ils sortent leur nouvel album Dream Machine. C'est leur troisième production. Et donc leur album, alors j'ai un petit trou de mémoire, quand est-ce qu'il... Ben non, il est déjà sorti. Ouais, il est sorti le 17. Eh oui, il est sorti le 17, exactement. Voilà, donc... Tu me demandes, quand tu sais pas, tu me demandes. Il n'y a pas de souci, Phil. Heureusement que t'es là. Donc non, Cybernetics, comme Born to Burn, c'est un groupe pareil, très actif. Mais de toute façon, la région de Tours, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de groupes. Et les médias sont vraiment derrière les artistes. Ils soutiennent vraiment beaucoup leurs artistes. Et donc ça, c'est super cool. Très bien. Le morceau qu'on va écouter s'appelle DNA et c'est tiré de l'album Dream Machine, comme tu nous l'as dit. On se retrouve tout de suite après pour la fin de cette émission, se dire au revoir et surtout de se faire des gros poutous bien métalleux. Allez, musique, c'est parti. We'll be right back.

was my way to see the light of a day. The world as we know it come to an end. Nothing matter for me now. It's written in my DNA. The will of change the fate. De retour dans les studios pour la fin de cette émission avec 100%, enfin quasiment 50% Do It et 50% Vouziers Metal Festival. Et on se retrouve nous la semaine prochaine avec un... Bah, on parlera d'un autre festival comme on fait depuis pas mal de temps. Pour l'instant, ce que vous entendez en fond sonore, si ça a été changé, c'est donc pas encore, bien sûr, parce qu'il est au four et au moulin. Donc nous entendrons pour terminer Tommy Lobo. Est-ce que tu peux nous parler, Sarah ou Chris, de Tommy Lobo? Ouais, Tommy Lobo, c'est un groupe de rock alternatif, on peut le qualifier comme ça, qu'on a pris en promotion il y a très très peu de temps. Donc on va assurer la promo de leur premier opus. Donc c'est assez difficile en fait, parce que ils font du rock, on va dire assez planant, c'est hyper qualitatif. À côté de ça, c'est des musiciens assez jeunes, je pense qu'ils ont tous la vingtaine quoi, hein, dans la moyenne. Mais on sent une grosse maturité dans leur musique. Et malheureusement, il faut avouer que la plupart des médias rock, entre guillemets, français ne comprennent pas la musique mature. C'est-à-dire que dès que ça dépasse le 4-4 et refrain couplet, c'est beaucoup plus difficile à défendre. Mais c'est un joli challenge et je pense que les médias qualitatifs seront appréciés. Donc, médias qualitatifs, manifestez-vous. On est là, on va vous le diffuser, nous. Tommy Lobo, ça s'appelle, tiré de l'album Golden Birds. Et le titre que l'on va écouter ce soir, c'est Erase It All. Non, n'effacez rien. N'effacez rien parce que l'émission sera, enfin, on l'espère, on croise les doigts, podcastable dès cette semaine, la semaine qui vient, hein, mon cher Tom ? Demain. Donc, podcastable dès demain. Nous retrouverons donc Do It. Et nous retrouverons Do It dans des prochaines émissions, puisque Do It est partenaire du Paris Metal France Festival qui aura lieu le 6, 7 et 8 janvier. Ce sera au plan cette année avec plus de 40 groupes à l'affiche, ouais, dont des groupes de Do It. Ouais, avec quelques artistes Do It. Tu me parlais de Benighted Soul, par exemple. Qu'on n'a pas annoncé, mais c'est bien, tu viens de l'annoncer ce soir. Ah putain, désolé. Oh la bourde. Mais c'est pas grave. Je ne l'ai pas fait volontairement. C'est pas grave, on dit que personne n'a entendu. Avec des groupes Do It, ouais, des groupes Do It, effectivement. Il n'ose plus maintenant, il n'ose plus, mais c'est pas grave. Donc il y a The Morganatics qu'on a déjà annoncé. The Morganatics avec qui on a bossé sur l'album précédent et celui d'avant. Ouais. Ouais. Et puis il y en avait un troisième, tu m'avais dit Je sais pas si on peut le citer. Vas-y, cite. Avec d'anciens The Outburst. Oui. One Last Shot. Ouais, bien sûr qu'on peut les citer. Voilà, on les a cités. Si. Non, voilà. J'étais pas au courant. fallait regarder l'annonce de la semaine dernière. Allez, ce soir, 6 nouveaux noms vont être annoncés, dont un qu'on aurait dû vous diffuser ce soir, mais on n'avait pas encodé le CD. Donc voilà, vous allez le découvrir sur l'affiche que je vous posterai à minuit pile, comme toutes les semaines et tous les lundis et les jeudis. Voilà. Do It, Sarah, faut y aller. On vous remercie beaucoup et on envoie tout de suite Tommy Lobo. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le rock fort show. À la semaine prochaine. Bye bye. Don't talk about my future. Don't talk about my way. Not getting every new slaps on the alcohol I will drain. Nobody asked to gather, nobody asked to stay. Not getting every new slaps on the alcohol I will drain. Then I could crawl beside you, but I tried hard. And nothing was broken, so you didn't have to tell. Then I could crawl beside you, but I tried hard. But nothing was broken, so you didn't have to tell. We'll be right back. Thatcher and talk about my way. No kid on earth needs less than the alcohol I would drink. Nobody has to gather, nobody has to stay. No kid on earth needs less than the alcohol I would drink. Then I could crawl beside you on a tired heart, and nothing is broken to be in a hateful town. Then I could crawl beside you on a tired heart, and nothing is broken to be in a hateful town. Tried hard, but nothing moves broken. Silly and hurtful town.